بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive donc au quatrième cours, à la parole de l'auteur, rahimahullah, à la page 8. Et nous devons croire que par son être, il est au-dessus de son glorieux trône, alors que par sa science, il est partout. Il a créé l'être humain et il sait que son âme lui, et il sait ce que son âme lui insuffle. Il est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Et donc il fait partie de la croyance des gens de la Sunna et du groupe que Allah tabaraka wa ta'ala est établi sur son trône. Comme l'auteur, il nous dit ici, nous devons croire que par son être, il est au-dessus de son trône, de son glorieux trône. Nous devons y croire. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. J'ai pas le numéro du verset. Il dit tabaraka wa ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ils ont peur de leur Seigneur au-dessus d'eux. Surat An-Nahl, verset 50. Il dit tabaraka wa ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. C'est vers lui que les bonnes paroles montent ainsi que les œuvres pieuses, il les élève. Et donc les bonnes paroles montent vers lui. Tout cela nous montre que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de nous, au-dessus du trône. Surat Fatir, verset 10. Il dit tabaraka wa ta'ala barrafa'ahu Allah ilayhi. Wa kana Allah azizan hakima. Surat An-Nisa, verset 58. Mais Allah l'a élevé vers lui. Barrafa'ahu Allah ilayhi. Mais Allah l'a élevé vers lui. Ça, c'est concernant Isa alayhi salam. Ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas crucifié. Mais Allah l'a élevé vers lui. Surat An-Nisa, le verset 58. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. 158. Le dernier c'est 158, Nifka, pas 58. 158. Effectivement, le 1 il était caché. 158. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans Surat As-Sajda, Tanzilul kitab. Et donc le fait de faire descendre le livre, il n'y a nul doute, cela vient d'Allah, min Rabbil Alamin, du Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes. Et donc le fait de faire descendre le livre. Et donc il y a plusieurs preuves dans le Coran, barakallahu fikum, qui nous montrent que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus du trône. Parmi les preuves, il y a des preuves qui citent clairement que Allah est au-dessus du trône. Ar-Rahman wa ala al-Arshistawa. Il y a des preuves où Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit qu'il a fait monter des choses vers lui. Et donc les bonnes paroles qui montent vers lui. Il y a des preuves qui montrent que Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre des choses vers nous. Et donc on disait parmi les preuves, donc il y a des preuves où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il fait monter des choses vers lui. Les bonnes œuvres, les bonnes paroles, il fait descendre des choses vers nous. Et donc il a fait descendre le livre, etc., etc., etc. Et donc tout ça, ça nous montre que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de nous. On ne peut pas dire Allah est nulle part. On ne peut pas dire non, on ne peut pas dire qu'Allah est au-dessus de nous, etc. Comme certains vont dire. Non, Allah nous montre clairement qu'il est au-dessus de nous. Tabaraka wa ta'ala. Dans Sahih Muslim, il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme qui était esclave. Il lui a dit Ein Allah, où est Allah? Elle a répondu Fis sama, au-dessus du ciel. Men ana, qui suis-je? Elle a dit le messager d'Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam concernant cette femme hiya mu'mina, elle est croyante. Il a dit elle est croyante. Elle a dit fils sa mère. Aujourd'hui, il y a des personnes, tu leur demandes Ein Allah, où est Allah? Ils vont te dire on n'a pas le droit de dire Allah fils sa mère. Subhanallah, elle a dit. Si ce n'était pas permis, le prophète l'aurait dit à cette femme. Il n'aurait pas dit, elle est croyante. Tout ça parce que ces gens-là, ils sont tombés dans El-Kaif. Si on dit que Allah il est quelque part, ça veut dire que cette chose englobe Allah. Et donc Allah n'est pas... Ça veut dire que Allah assis, Allah a un corps, Allah est... Subhanallah, on ne vous a pas dit comment, non. On vous a dit, on affirme ce qu'Allah a dit le concernant, c'est tout. Dès que tu vas te poser la question comment, ça va te faire tomber dans des déviances. Et donc on affirme que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus du ciel. Et quand je parle de ça, bien entendu, ça me rappelle forcément les frères Tablier qui sont passés ici il n'y a pas longtemps, en Martinique. Et quand je parle d'eux, je ne veux pas dire par là que on n'espère pas qu'ils reviennent. Justement, j'espère qu'ils écoutent les cours. J'espère qu'ils écoutent les cours. Comme j'avais dit, j'avais prévenu leur responsable. J'avais parlé avec lui longuement. Et ça serait bien, barakallahu fikoum, qu'on ne les oublie, on ne les oublie pas dans nos invocations. Parce que c'est grave le fait de rejeter les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quelque chose de lourd, de grave. Et je leur avais parlé de ce séminaire qui aura lieu. Et j'espère qu'ils écoutent. Et j'espère que je vais recevoir un message ce soir sur WhatsApp. Bi'idnillah, annonçant une bonne nouvelle. Que certains points ont été compris, Inch'Allah ta'ala. Car beaucoup sont tombés dans ce genre de groupe, dans ce genre d'incompréhension, parce qu'ils n'ont pas étudié ce genre de sujet. Et c'est pour cela que dès le début, je vous ai dit, les frères, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre d'apprendre notre religion. De nous permettre d'apprendre notre religion, afin qu'on ne vienne pas nous balader à droite à gauche comme ça. At-Tirmidhi, il cite dans son Jami', et d'ailleurs il cite que le hadith est authentique, sur Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam Irhamu man fil ard yarhamukum man fil sama. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, les miséricordieux, ceux qui sont miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, aux habitants de la terre. Celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Et donc Allah, il est où? Au-dessus des cieux. Est-ce qu'il nous est permis de dire non, Allah, il est nulle part ou Allah, il est partout? Il est au-dessus des cieux. Il y a énormément de preuves qui montrent cela. Barakallahu fikoum. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas le droit de rejeter. Il y a trop de preuves qui montrent ça. On n'a pas le droit. C'est un sujet d'unanimité. Le prophète, il a dit cela, il a posé cette question à cette femme devant les compagnons. Elle a répondu, Allah est au-dessus des cieux, devant les compagnons. Personne n'a rejeté cela. Et ensuite, plusieurs centaines d'années plus tard, des gens vont venir nous dire non. On n'a pas le droit. On va dire non. Il y a une unanimité avant vous là. C'est terminé. Allah, il a dit, elle ekmel tulakum dinakum. Aujourd'hui, votre religion, je l'ai complétée. On ne va pas rajouter, on ne va pas modifier. Et donc, les groupes qui ont dévié dans ce sujet, on a Al-Jahmiyya. Tout à l'heure, un frère, il m'a demandé, donc on a Al-Jahmiyya ainsi que Al-Asha'ira. Al-Jahmiyya et Al-Asha'ira. Un frère, tout à l'heure, on a parlé de Al-Mu'abdila, on a parlé de Al-Mufawwida, on a parlé de Al-Mushabbiha. Un frère, il m'a dit, mais ils sont où, Al-Asha'ira? Alors, je lui ai dit tout à l'heure, on a parlé de trois groupes de base. Et ensuite, dans ces trois groupes de base, il y a d'autres groupes qui vont rentrer. Donc, dans le groupe Mu'attila, il y a plusieurs groupes. Et donc, je lui ai dit, Al-Asha'ira, ils vont rentrer dans Al-Mu'attila. Al-Asha'ira, ils sont Mu'attila. On a dit Mu'attila, c'est quoi les frères? Vous pouvez tourner la page. Al-Mu'attila, c'est quoi? Ceux qui rejettent. D'accord? Ils rejettent les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu leur dis, Allah, une main? Non. Etc, etc. Et donc, Al-Asha'ira, ils sont Mu'attila. Et donc, parmi les groupes qui ont dévié dans ce sujet, il y a Al-Jahmiyya, il y a Al-Asha'ira. Ils ont... Donc, le sujet dont on parle maintenant, c'est le fait que Allah est au-dessus de toutes ses créatures. Et donc, ils ont rejeté le fait que Allah tabaraka wa ta'ala soit au-dessus de toutes ses créatures. Et ils disent que Allah, donc Al-Jahmiyya, Al-Asha'ira, ils disent que Allah, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'a pas de direction. Voilà leur parole. Ils disent Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de direction. On ne peut pas dire qu'il est au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, il n'a pas de direction. Quand tu dis direction, c'est localisation. Exactement. C'est-à-dire on ne peut pas le localiser Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Et donc ils disent qu'il n'est pas par, il n'est pas permis d'attribuer une localisation à Allah tabaraka wa ta'ala. Cela n'est pas permis pour eux. Et ça c'est exactement la parole des tabliers qui sont venus la dernière fois. Exactement la parole. Exact. Mot pour mot. Il n'est pas permis de donner une localisation à Allah. Non. Ça veut dire qu'il est partout. On ne peut pas dire qu'il est juste là. Non, eux ils disent pas qu'il est partout. Voilà. C'est une façon de dire qu'il est nulle part. Mais ils ne le disent pas, il est nulle part. Ils disent pas, il est nulle part directement. Parce que si tu leur dis, est-ce que tu dis qu'il est nulle part, il va te dire non, j'ai pas dit ça. Tu veux dire, il est où? Ben, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite. Voilà. D'accord? Et donc ça, cette parole-là, donc la parole d'Al-Jahmiyya et d'Asha'ira, elle est contraire au livre et elle est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car s'il n'était pas permis de dire que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus des cieux, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cette femme où est Allah? Ça veut dire que le prophète, il voulait que la femme elle tombe dans un péché? C'est lui qui lui a demandé où est Allah. Non? C'est des groupes qui s'opposent. Al-Jahmiyya, tu veux les noms? Là, juste avant, t'as dit ça. Ah, ils s'opposent. Ils contredisent le Coran et la Sunna. Ils contredisent les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète, pourquoi il lui a posé cette question? Après lui avoir posé la question, pourquoi est-ce qu'il a approuvé sa parole lorsqu'elle l'a dit, fils Samer? Il a approuvé sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tous les textes que nous avons cités, j'ai cité plusieurs preuves, et j'ai fait cela exprès, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et donc ceux qui vont rejeter cela, ceux qui vont nous dire que Allah n'est pas en haut, et donc ces gens-là, pour eux, Allah tabaraka wa ta'ala ne descend pas au ciel le plus bas. Puisque Allah, il descend au ciel le plus bas. Il nous l'a dit. Il descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit. Mais pour ces gens-là, vu qu'Allah n'est pas en haut, eh bien, forcément, il ne peut pas descendre au ciel le plus bas. Parce que s'il descend, ça veut dire qu'il est en haut. Et ça veut aussi dire que pour eux, Allah n'a pas élevé Issa vers lui. Parce que s'il élève Issa vers lui, ça veut dire qu'il est en haut. Mais pour lui, pour eux, il n'est pas en haut. Donc il ne peut pas élever Issa vers lui. Allah n'élève pas vers lui les bonnes paroles, comme il le dit dans son livre. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en haut, selon eux. Et donc ça va les amener à rejeter plusieurs passages du Coran. Plusieurs passages du Coran. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas affirmer que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Et le dernier point que je vais citer avant de clôturer ce cours, inshallah ta'ala, c'est que, barakallahu fikoum les frères, il n'y a aucun, je dis bien aucun, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a affirmé la croyance des Jahmiya et des Ash'ariya. Aucun qui a dit que Allah n'est pas au-dessus, en dessous, n'est pas à gauche, n'est pas à droite, n'est pas à gauche. Aucun. Tous, ils sont d'accord avec le fait que Allah est au-dessus des cieux. Et ça, c'est la question que j'ai posée au tabligh. Ça, c'est la question que j'aurais posée et que j'ai dit, va demander à ton enseignant s'il peut me trouver un seul parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, attention, quand vous allez voir dans le Coran, Allah fils Samé, ça ne veut pas dire fils Samé, ça veut dire autre chose. Attention, trouvez-moi un seul des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit ça. Ça, c'est la question que je lui ai posée. Il m'a dit, je vais demander à mon enseignant, inshallah ta'ala. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, je reviens là-dessus, c'est important qu'on apprenne. Et aujourd'hui, j'appelle donc nos frères qui sont tombés dans des déviances à revenir. À revenir vers la croyance authentique du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On arrête là pour ce cours et on fait 10 minutes de pause, inshallah ta'ala, et on reprend pour le cours d'après. Le cours d'après, on va aborder les ambiguïtés. On va aborder les ambiguïtés donc avec la question de Mustafa, inshallah ta'ala. Subhanak wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.